de vertige basse. Nous intuber, au micro je crache ce qui me ronge. Mais j'ai pas des poches pour essuyer mes larmes. Je sonne l'alarme pour l'avertir les rescapés du système. Si t'aimes mon rap ou mon pote Big Jam, lâche tes nerfs sur cette bitch chien où tout le monde s'entretue à côté de la misère. Et les gars, vous voyez pas qu'il y en a qui meurent de faim. J'ai faim de vie, mais mon rap peut pas me nourrir. J'ai soif de vie, mais j'arrive pas à gérer cette vie pourrie. Je lâche des rimes qui me relaxent, mais je suis pas là pour faire bronzette. Ma vie c'est le rap et je nique ceux qui me détestent. N'est-ce un peu heureux, un farige, la vie. Ce qu'il y a de plus cher, on a ouvert nos yeux, on a vu qu'on nous prend. Pour tout pocher, va faire avancer, mouille nos pièces, on l'ordi avec du ciment. Les packs vont être dus pour ceux qui appuient sous lentement, la bombe explose. Sans affaire des véhicules, la bombe m'en faut les bains, refaire la force de mes ennemis. Fin de guerre, je reste en piège, je me suis baigné de son horreur. Relate tendance, c'est pas la poche. Je vise le cœur, être kick, très sincère. Et ne pas faire les airs, je veux coucher de bon numéro, devenir heureux millionnaire. Distinguer les hommes des femmes avec des couilles. Avec des couilles. Suffit pas d'en avoir, me les porter à chaque embrouille. Payer l'addition, je renie mon premier capital de speed. Je paye toujours pour mes erreurs et ça me rend pas riche. En me disant que Kapachi, je relève défi de Mike. Pour ma rap, c'est comme bowling à chaque fois. Je fais le strike, la si parfaite des préjugés d'égalité à 2005. Et propose à ma mère pour l'autre femme de ménage avec un bac plus 5. Je vois à travers, je me suis attressé par la loi. On essaie de pomper sans arrêt, ça me donne ce qu'on doit.